David Bolling et Christophe Lemaire, ils savent tout faire et donc on va parler avec eux. Un spectacle écrit et mis en scène par Christophe et David. Un voyage dans le meilleur du musical et du cinéma des années 30 à 80 au travers de personnages plus vrais les uns que les autres ou plus nature, sait-on jamais. J'entendais des voix derrière. J'entends des voix. Alors, Cruchot, qu'est-ce qui se passe? J'entends rien. C'est l'effet de la ville d'Orléans. Voilà. Donc, Christophe et David savent tout faire. C'est vrai, vous savez tout faire, les gars? Tout. Alors, hier, on était chez Marc Dorcel, on a tourné un truc. On sait tout faire. Tout. Ça s'appelle les drones. Les sex drones. Voilà. Drone X. Vous êtes comme Émilie, vous savez tout faire. Émilie, tu peux nous couper un oignon? Maintenant que tu as appris à le faire, tu peux couper un oignon? C'est un rapport avec Marc Dorcel? Non. J'osais pas le dire. Non, c'est parce que Émilie a appris il y a pas très longtemps la cuisine et a coupé un oignon. C'est pour ça que j'ai dit, elle sait tout faire. Maintenant, elle sait couper un petit oignon en petit carré, c'est pour ça. Oui. Donc voilà, eh bien Christophe mais et moi, David. Moi, je vous fais une révélation. J'ai travaillé avec Dorcel, mais j'ai pas fait de scène. Voilà. T'as eu le plaisir de tenir la caméra? Non, j'ai eu le plaisir de faire les. Non, ce qu'on appelle la comédie. Il faisait le rôle du gros du cul. C'était assez rigolo, c'était assez marrant. Faisait le rôle du trou du cul. J'ai travaillé dans ce milieu assez. Non, j'ai fait un médecin, je fais des petits trucs comme ça, je faisais pas de hard, voilà. Je rappelle qu'on a des comédiens aujourd'hui et humoristes. Je suis bien amusé. Alors une question de Monsieur Le Maire, Douille. Donc Christophe, nous avons un spectacle. Oui, ah oui, il faudrait peut-être qu'on en parle. Donc vous allez voilà, les gens vont se dire ces gars-là, ils déconnent, mais ils sont venus de Paris pour parler avec nous un petit peu de leur culture musicale, de tout ce qu'ils savent faire, de leur voix, parce qu'on rappelle de Jackson à Vigard en passant par Coluche, Marie, Gainsbourg, Popex, Ardou, Louis de Funès, Becco, Galabru, enfin, il y en a des tonnes de voix que vous avez à tous les deux. Vous êtes humoriste, comédien, chanteur, transformiste vocal, un petit peu un mélange de tout ça. Et là, vous nous avez préparé une rencontre qui s'est faite entre tous les deux. Un jour, vous êtes rencontrés, vous avez dit pourquoi est-ce qu'on mettrait pas nos talents ensemble pour préparer une belle comédie. Voilà. Exactement. Alors, tout d'abord, David, lui, est principalement comédien, humoriste. Moi, pas du tout. Ça, je précise. Oui, c'est le mélange des deux qu'on a. J'aime bien déconner tout le temps. Et dans mes spectacles, je parle beaucoup entre chaque chanson. J'aime l'improvisation. Je suis un piètre acteur s'il faut apprendre un rôle. Ça, je reconnais, c'est pas mon truc. J'aime beaucoup improviser parce que j'aime la spontanéité. Il faut que ça sorte tout de suite. Je sais pas le lendemain ce que je vais dire, mais maintenant, à l'instant, je vais dire ça. Enfin, là, t'as écrit des sketchs et tu commences à faire des sketchs. Ouais, parce que c'est effectivement quelque chose qui m'attire énormément et j'aime bien faire rire les gens. J'aime bien aussi les faire pleurer. Avant tout, c'était ma spécialité, ça, faire pleurer. À travers les chansons émouvantes. Avec Notre-Dame, forcément, déjà. Ah oui, puis l'émotion. C'est difficile de faire. C'est plus difficile encore de faire rire. Ça, on l'a vu récemment. C'est ce que De Funès m'avait dit d'ailleurs. Quand j'avais rencontré, il m'avait dit c'est plus difficile de faire rire les gens que de les faire pleurer. Bien sûr. Et c'est vrai, quand on voit le travail qu'il faisait, quand on voit le travail de ces gens-là, c'est très. Et justement, très toi qui as fait des scènes en tant qu'humoriste, c'est vrai que quand tu as un public face à toi, c'est difficile le premier mot pour les faire rire, pour les accrocher. En général, moi j'ai de la chance, ça marche. Mais c'est vrai qu'on peut se dire ça peut ne pas marcher et on a toujours peur. C'est terrifiant. Les premières phrases, quand on entame un truc qui est censé faire rire et si on n'a pas de rire au bout de 10 secondes, c'est presque mort. Et là, on se dit qu'est-ce que je rame, je sors. Il y a quelques fois, c'est de l'écoute. En fait, les gens écoutent. Oui, après 10, c'était génial. Mais pourquoi on est Paris? Parce qu'on écoutait. Ouais. Enfin bon, nous, on a fait un truc qui est Mais parce qu'il faut dire aussi qu'on écrit peut-être bien. Je ne sais pas. Parce que maintenant, c'est vrai que. Ils ne veulent pas vous déranger, c'est pour ça. Voilà, on va les laisser sur scène. D'ailleurs, ce spectacle, il est né un peu de cette complicité qui était dans l'impro au départ. Oui. C'est un jeu qui vous a donné envie de. Allez, on passe le cap et ça va devenir un spectacle écrit cette fois. C'est-à-dire qu'on a tous les deux une enfance. Un peu commune. Parallèle. Lui, c'est grâce à son papa qui a beaucoup œuvré dans la musique de film. Ça va être quand même des papas hors normes. Bien sûr, grâce à nos papas. Ah oui, sûr, non. Parce qu'il a côtoyé beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens du cinéma. Moi, pas du tout. Niveau cinéma, pas du tout. Moi, c'était dans la chanson, dans la musique. Et on a vécu plein de choses parallèles, mais dans un milieu différent. On a un passé, on a les mêmes références, on a fait pratiquement les mêmes choses au même moment. Enfin, la même génération aussi. C'est ça qu'il faut préciser, c'est que le spectacle que nous nous jouons est un spectacle qui est faut pas avoir peur de le dire, réservé à un public qui, on va dire, un petit peu à partir de 40 ans, hein. Parce que en dessous ça leur permet de découvrir plus particulièrement, ouais, ça leur permet de découvrir tout... attention plus particulièrement, je dis ça pour éviter d'avoir des fois un public qui va venir, qui va être assez jeune, qui va vraiment pas suivre parce que ça va pas lui évoquer son époque à sa génération. Donc évidemment les jeunes peuvent venir, mais vont plus être concernés les gens à partir de 35, 40 ans. Que ouais. Quand ils vont entendre une imitation de Jean-Pierre Marielle, ils vont dire oh Jean-Pierre Marielle. Parce qu'un jeune aujourd'hui, Jean-Pierre Marielle, alors, c'est pas forcément vrai. Pas grand chose. C'est pas forcément vrai parce que je commence à voir des jeunes de 20 ans, 22, 23 ans qui connaissent Belmondo. J'ai Maxime à côté de moi qui il fait non, mais si, il vient de dire non. Non, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Si, Jean-Pierre Marielle. En fait, Émilie. J'étais sûre que si. Émilie a dit ça. Je sais pourquoi tu dis ça, Émilie. C'est parce que comme ça, tu pourras pas rentrer. 40 ans, tu peux pas rentrer. Hein. T'es trop jeune. Ah oui, trop jeune. Bien sûr, C'est pour ça qu'elle se plaint. Elle se plaint pour. Oui, elle rentre. Comme je n'ai que 29 ans. On peut faire deux Marielles pour une élite. Comment tu ne nous connais pas? C'est-à-dire que Jean-Pierre Marielle, c'est branché cul quand même. Hein. C'est vrai. On peut pas parler de Jean-Pierre Marielle sans évoquer la fesse. C'est quand même le seul au cinéma qui sort à une femme. Toi, tu sors à la pisse. Ah oui. Je vois Maxime parti sur un moteur de recherche bien connu qui vérifie quand même et qui me fait un signe de tête. Quand on parle des noms, on voit pas le nom à part certains. Je faisais partie de la bande à Belmondo. La moustache de Jean-Pierre Marielle, enfin. Jean Rochefort aussi. Oh le con. Voilà, on fait plein de personnages. On va les avoir les 80 aujourd'hui. Hein. Certainement, je crois. Faut quand même qu'on explique aux auditeurs ce qui est un peu le sens de ce spectacle qui mélange le musical et le cinéma. Et la télé. Voilà, et la télévision, bien parce sûr. Parce qu'on fait aussi Henri Chapier. Serge Gainsbourg quand même. Ta gueule. Non, Serge, il faut quand même rester poli. Ta gueule. On peut pas passer comme ça à la télé, surtout en ce moment, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Ah, vous n'avez pas l'image, voilà. Mais il fait les mimiques et les gestes de Serge Gainsbourg, c'est excellent. Je vais pas donner de clope. On n'a plus le droit de fumer, Serge. Ta gueule, c'est terminé, je ne dis pas ta gueule. Parce que sinon, c'est ça. Il va nous amener. Il y a une séquence du divan d'Henri Chapier. Donc, évidemment, là, je reviens à ce que je disais juste avant. Les jeunes de 20-25 ans. Ah bah si, on connaît le divan, puisqu'il a été repris par Marc-Olivier Fogel. Oui, mais ça vaut pas Chapier. Oui, Chapier. C'est une belle émission. Et bon, bref, on fait cette satire. On imagine un petit peu Gainsbourg à notre époque qui va pas supporter de ne pas fumer sur un plateau ou alors avoir une cigarette électronique. Ça, c'est complètement un non-sens pour lui. Ouais. Donc voilà. Et c'est une interview à base de répliques en grands aphorismes de Gainsbourg. Genre, la laideur a su être supérieure à la beauté. C'est qu'elle est éternelle. Ça c'est du Gainsbourg. Ouais. Voilà. Donc, avec toute la grandeur. Et c'est vrai qu'on ramène un peu les gens. Et puis moi je pense qu'il faudrait montrer aux jeunes justement que à l'époque on avait le droit de montrer une playmate à la télé chez Colaro. On buvait. Aujourd'hui, pas le droit de ci, pas le droit de ça. Les artistes fumaient sur le plateau. On n'a plus le droit de rien, on ne peut plus s'exprimer. Enfin, Michel Pollack, droit de réponse, bon bref, hein, tout ça. Hein. Faire attention à tout ce qu'on avec dit. Avec modération, bien sûr, même si un film de Claude Sauté sans cigarette ne serait plus un film de Claude Sauté, c'est vrai, avec modération. Mais je crois que c'était quelque chose pour Brassens, je ne sais pas quoi, ils ont carrément supprimé la pipe. Oui, même Lucky Luke, j'allais le dire. Oui, Lucky Luke, ça fait longtemps qu'il a la brindille. C'est déjà un moment qu'il mange une fleur. Oui, parce que c'est les Américains. C'est les Américains qui ont repris. Et les Américains, évidemment, Lucky Luke ne fume pas. Donc maintenant, il a la petite brindille. Après, on comprend pourquoi, bien entendu, sur l'aspect santé. Peut-être qu'il fume du joint, j'en sais rien. Mais ça devient n'importe quoi. Par contre, on reçoit des artistes comme Iggy Pop dans les grandes manifestations. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un modèle de sobriété. Non plus. Et alors en plus, Lucky Luke, je connais bien parce que mon père a fait la musique des deux premiers Lucky Luke et que j'ai très bien connu Goscinny. Donc je connais tout ça depuis que je suis enfant. Moi j'ai connu Obélix. Et moi j'ai connu Astérix. Obélix n'est pas gros. Rappelez-vous Obélix, il n'est pas gros. Mais tu es très très gros. Il n'est pas venu avec Julie Jumper pour toi. Mais d'ailleurs, j'ai faim. Tu devrais faire un régime. Et je t'avais dit de ne pas emmener des fixes. Et évidemment, tu l'as fait. Mais c'est le petit chien sur ma paire. Allez, mais justement, puisque nos deux humoristes sont là, David et Christophe, on continue à parler avec eux, ils savent tout faire de leur spectacle. Je ne suis pas humoriste. Non, mais ça... justement, puisque tu n'es pas humoriste... Je suis dramaturge. Eh bien, ça tombe bien, puisque tu n'es pas humoriste, t'es aussi chanteur. Tiens, je peux te faire Gérard Depardieu, si tu veux. Non, avant ou après? On t'avait dit Michel Sardou qui chante Les Visiteurs du Soir. Voilà. Alors, avant d'avoir ça, moi, un beau souvenir pour toi, Christophe, aussi. On l'a déjà diffusé ensemble. Tu es chanteur et tu as un chanteur que tu affectionnes particulièrement. Il s'agit de Michael Jackson. J'aime bien, oui. Un petit peu. Oh oui, et à l'occasion, tu as voulu reprendre les chansons de Michael Jackson à ta sauce, à toi. Attends, c'est quand, c'est quoi? Je me souviens pas. Parce que... C'est pas, c'est... Non, mais il y a pas longtemps. Que Michael, c'est toute ma vie. On va mais dire, voilà, on va c'est dire, pour ça. On va dire que c'est vraiment 95% de mon existence. Il est en moi depuis toujours, donc voilà. Et j'ai énormément été sur scène et travaillé grâce à lui avant et après qu'il ne soit parti, évidemment. Mais voilà, bon, c'est toute ma vie, Michael. Et mais moi, j'ai un petit peu mis les aérofreins maintenant parce que j'arrive à un âge où je ne suis pas lui non plus et que je veux arrêter de. Voilà, on m'a appelé Michael pendant 30 ans, on va arrêter maintenant. Et bien là, donc moi, je propose tout simplement. Monsieur le maire Christophe, qui nous a interprété Monsieur Michael Jackson en 2010, l'Olympia. Oula. C'est un sacré souvenir, ça. Oh là là, oui. L'Olympia en plus. Oh là là, oui. Oui, oui. Alors ça, c'est parti d'un medley, hein. Ça, c'est vraiment... Oui, c'est un petit medley. On a mis un petit extrait pour écouter là. Donc, c'est extrait avec du la spectacle. Avec la chorégraphie qui allait avec. Oui, il y avait tout. Oui. Non, moi, je l'ai, la chorégraphie devant moi en plus. Et en 2009, c'était plus marquant parce qu'en 2009, je voulais plus le faire. Déjà, j'avais dit à mon agent de l'époque, j'arrête Michael parce que il y a un temps pour tout. Lui, c'était lui. Et puis, je voulais, au bout d'un moment, j'ai pas non plus la même silhouette et tout. Je voulais pas que les gens finissent par dire, bon, il est un peu ridicule, un peu bon. Alors, j'avais. Et puis Michael est parti. Et ce spectacle, on l'a fait en août 2015, pas celui-ci, mais celui d'avant, où pendant 2h30, j'ai reproduit un show de Michael à moi tout seul, sans danseur, sans playback, j'y tiens. Je ne suis pas sosie, j'avais quand même la coiffure, les costumes qui correspondaient. Et il était tellement en moi que je crois que j'ai réussi à emporter 2000 personnes en plein air à ce moment-là, à moi tout seul. Et avec une énergie que je n'ai jamais eue avant et que je n'ai jamais eue après. Ça, c'est quelque chose. Moi, je suis un incroyant absolu en tout. Et quand ce moment, on peut le voir sur une vidéo qui est sur YouTube, j'apparais en Michael à l'intro, quoi, avec les lumières. Je sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Je jure que c'est vrai. Comme une incarnation de lui qui était à l'intérieur de moi, qui m'a dit vas-y, fonce, vas-y, sois plus fort que jamais, parce que là, je suis avec toi. Et moi, je vous parle en tant qu'incroyant. C'est fou ce qui m'est arrivé. Il était déjà mort. Deux heures et demie, ouais, il était mort depuis deux mois. Et à ce moment-là, j'ai aligné deux heures et demie de spectacle, seul, avec le seul souffle, la chorégraphie. Et moi-même, j'en suis pas revenu. Et bah, il t'a aidé. J'ai dit après ça, on arrête, je veux plus le faire, sauf. Pourquoi ça vous a presque effrayé? Non, parce que je me sens depuis pas capable de refaire ça à ce niveau, aussi fort, aussi bien. Voilà. Alors maintenant, à chaque spectacle, évidemment, il y a un petit hommage, toujours, depuis toujours, mais pas plus qu'une chanson. Hein. Et là, voilà. Tu peux nous faire un petit refrain de Michael comme ça? Petit refrain de Michael? Ouais. Donc la tête que j'ai parasée, tout ça? C'est la radio. C'est l'avantage. C'est pour ça que je fais la radio. Je sais pas quelle voix j'aurai à ce temps-là, mais une chanson qui fait partie du spectacle, qui termine le spectacle et qui est un des plus grands tubes de Michael et un des plus beaux, qui s'appelle Man in the Mirror. Chantez le début, si vous voulez. Ah, bah oui, bien sûr, au contraire, vas-y. Allons-y. On y va. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna be really good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Is that I should have been God and gold. My fear when I went to gold. I swear was blowing my mind. See you kids in the street. You wanna laugh to it. Who am I to be blind and pretending not to see that me? I sort of this big guy. I'm broken but on time. And you want it in us all. We find out we tried them on our women though. It's the gun nowhere to go. As I'm not to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking and the chin is weighed. And no message can have been any clearer. If you wanna make a world about the bitch, take a look at the sun, then I make a change. Bravo. Bien. Merci. Bravo, curateur là, hein. Ça, c'était le Michael Jackson au réveil, on va dire. Voilà. Et alors après, ça donne ça. Michael sans la moustache, quoi. Non, un énorme merci après. Parce qu'on le prend comme ça directement, tout seul. Donc, une belle petite voix. Et ça, on peut retrouver ça en spectacle. Il y en aura un petit extrait sur David et Christophe, tous les deux, dans votre spectacle, savent tout faire. Deux, à propos. Un petit bout de Michael Jackson, ah bah, cette chanson. Cette chanson, c'est celle-là aussi. C'est celle qui termine à peu près le spectacle, parce que c'est. En plus, oui, si on se souvient du dernier show qu'il répétait, il hésite à terminer sur cette chanson qui englobe l'unification de tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire, voilà. Et ben, c'est très important. Donc, on dira à personne ne pas se lever avant d'avoir cette chanson-là. Non, mais on va rester assis jusqu'au bout. Voilà. Ils ne voudront même plus partir à la fin. Et on va demander, David, une petite chanson, c'est possible ça, toi? Moi, je chantonne un peu, oui. Enfin, moins bien. Moins bien, mais une petite chanson comme ça, parce qu'on y est. Pardon, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Oui. C'est voilà, et c'est bien de pouvoir mélanger les deux styles. Et j'ai dit à David, lui, c'est vrai qu'il chante un peu, il chante dans son spectacle aussi. Oui. J'ai dit, bon, on va vraiment mélanger et prendre dans ce spectacle ce qu'on sait chacun faire de mieux. Pour mélanger, faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est ce qui est plus important, voilà. Ah oui. Et c'est une vraie partie de tennis, quoi. Ouais, alors moi, dans mon spectacle, je fais Nougaro, je fais Gainsbourg, je fais Dassin. En Nougaro, par exemple, je vais pas le faire. Il chante, il parle en même temps. Je parle à la télé-réalité. Je fais allez, boxe ma gueule, boxe. Essaye de t'élever au rang des chanteurs bidons, des artistes de romans feuilletons que de vieux arpagons jetteront comme de vieux canassons qu'on ne s'émèneront plus assez de pognon. Boxe. Toutes ces superstars me les gonflent à bloc. Il ferait mieux de rester au paddock dans leur château toc. Voilà, tu vois, j'avais trouvé ce genre de petites choses. D'accord. Voilà, parce que et ça, c'est mis en scène. Et donc, dans tous tes spectacles, ça arrive aussi des petits extraits comme ça, quand tu es tout seul en scène aussi, de faire un petit bout de chanson. Ouais, là, j'ai une chanson entière avec Nougaro, sous Nouga York, que j'ai fêté les Cradocs sur la télé, parce que je trouve que la télé, maintenant, voilà, on en parlait tout à l'heure. Oui. On ne peut pas dire que ça soit. C'est le niveau. Si, on peut le dire. C'est le niveau, plus on se baisse un peu, avec les télé-réalités, toutes ces conneries, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que la culture est en train de descendre de plus régresser, en plus. Hein. On parlait tout à l'heure, on parlait de Dorothée, tout le monde disait Dorothée, c'était autre chose. Ah, c'était quand même, elle fête cette année ses 30 ans de club, même si elle n'existe plus, ça fait 30 ans cette année. Mais c'était quand même mieux parce que aujourd'hui, quand on voit Nabila. Mais nous demain, si on nous propose un prime time sur TF1, on va peut-être l'accepter. On dira peut-être pas non, parce qu'il faut élever un peu les gens, mais à contre-coeur. Mais si à Nabila. Aussi, si, oh là là. On l'emmènera chez Dorcel alors. Juste physiquement. Tout ça, c'est de l'horreur, quoi. C'est pas notre. Est-ce que vous imitez des personnes du club Dorothée ou non, j'en ai. Peut-être pas Dorothée, parce que c'est pas. Oh, si, moi j'aime bien Dorothée. J'adore, moi personnellement, Dorothée. Non, j'ai rien contre Dorothée, moi. C'est toute mon enfance, donc. Non, j'ai rien. Non, je les imite pas. Non, je fais dans le spectacle, il y a des comédiens, je fais de Funès. Tout à l'heure, je fais Galabru, Michel Galabru que j'ai très bien connu, que j'avais connu sur Astérix, et donc à la fin d'un spectacle, je raconte un jour, il me dit David, est-ce que tu peux me rendre un grand service? Alors je dis oui Michel, est-ce que tu peux aller me chercher mon cigare que j'ai oublié dans mon carloge parce que je peux pas me déplacer facilement, pas facilement. Alors je dis oui, et il me dit David, moi aussi quand tu seras vieux, je t'aiderai. Mignon. Mais voilà, mais Michel, c'était ça tous les jours, on se marrait avec lui. Je pense que, voilà, pour toi qui as connu les plus grands comédiens de mon époque, hein, à moi, hein, de Funès, Galabru, Ventura, je pense qu'on les voit à la télé, mais il devait y avoir de l'autre côté de l'écran, qui sont pas faciles peut-être, mais quand il y a des parties de rigolade, tu devais énormément rire étant jeune. Non, mais Michel Galabru était absolument adorable. Oui. Bon, de Funès, j'ai rencontré deux ou trois fois, je l'ai vu tourner, donc j'ai même vu tourner sa dernière scène de cinéma. C'était dans Le Gendarme avec les gendarmettes. Avec les gendarmettes. Et il a été absolument charmant, il a été super gentil. C'était il t'a fait sauter sur ses genoux, c'est pour ça que tu dis ça? Oh non, il nous invitait dans sa loge, tout ça, enfin des choses qu'il faisait pas d'habitude. On était avec sa femme, Jeanne, qui était là aussi. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir Ventura qui venait à la maison parce que c'est un ami de mes parents. D'ailleurs, un jour, c'était assez marrant parce que Lino était quand même quelqu'un, effectivement, de très gentil, mais qui est très imposant. Enfin, quand vous le voyez dans l'emmerdeur et que le gars arrive, il fait « Dis donc, c'est à qui la voiture qui est garée ?» Il fait « Ça, moi, pourquoi ?» « Oh non, pour rien. » C'était vraiment ça. D'accord. Je veux dire, nous, on était en train, j'étais avec mon frère, on jouait au militaire dans le jardin. On avait bien tué plein de gens. On arrive, ils étaient en train de dîner sur la terrasse. Et puis, il nous dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Bon, on vient prendre du dessert, il fait les militaires, ça prend pas de dessert. Déjà la phrase. Nous on est restés comme des imbéciles. Comme des enfants. Et après ils nous ont dit, bon, allez, venez. Ouais, ben, nous on avait quoi? On avait 7 ans, 6 ans. Enfin. Et c'est vrai que c'est impressionnant, Lino qui vous dit ça. Bon. Et après de le voir à la télé, on dit, voilà. C'est pas possible. J'ai eu dans ma maison, j'ai discuté un petit peu avec lui. Tout à l'heure on parlait des chanteurs, j'ai eu la chance de connaître un peu Joe Dassin, donc j'avais été chez lui. Et c'est vrai que c'est quand même surréaliste. Vous êtes chez Joe Dassin, dans son canapé, avec ses chats, parce qu'il avait beaucoup de chats, puis il avait aussi des poissons, mais il avait des chats, et vous le voyez à la télé en direct, alors qu'il était là il y a 3-4 heures avant, en train de chanter les Dalton, et vous êtes chez lui, c'est surréaliste, en même temps, voilà, mais j'ai vécu des choses comme ça, je m'en apercevais pas, je m'en aperçois maintenant, mais quand j'étais gamin, évidemment, on s'en aperçoit. C'est ça, c'est que sur le coup, on s'en aperçoit pas, par la suite, on se dit, c'est une grande chance, et puis c'est, je pense, une émotion énorme quand on y repense pour toi. Oui, et puis c'est des gens qui étaient naturels, qui étaient sympathiques, quand je vois, la plupart quand je vois des jeunes ou des gens qui se prennent un peu la grosse tête parce qu'ils ont fait trois trucs, ça me fait doucement rigoler, quoi. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Alors voilà, ayant connu Goscinny, tous ces gens-là qui étaient des gens tout à fait accessibles et des gens, des génies. C'était des génies. Aujourd'hui, n'est-ce pas le propre du génie de justement ne pas se prendre au sérieux et d'être humble? Peut-être. Aussi, ça fait partie de ça. Nous, génies. Tous les deux, on a un personnage qu'on aime. Par-dessus tout, c'est Gainsbourg. Et Gainsbourg était finalement très simple, au-delà de ce qu'il voulait montrer. C'est ce que j'aime bien montrer quand je fais Gainsbourg et quand lui m'interviewe en Chapier. C'est un personnage qu'on pouvait prendre, qui était monstrueusement prétentieux et narcissique au maximum. Parce qu'il était toujours génie, le génie. Mais en fait, c'était pas de la fausse modestie. Il était pas sûr de lui du tout, Non, voilà. Mais on pouvait croire c'était un mec qui était pur en prétention, alors qu'en fait, pas du tout. Au contraire. Non, mais tu sonnais chez lui, il t'ouvrait. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu la chance d'en rencontrer une fois. Il a été charmant, il m'a signé un autographe. Il y avait un vrai génie. On va pas taper sur les gens d'aujourd'hui, parce que nous, hélas, on n'est pas médiatisés comme eux, on n'a pas cette chance. Mais il y en a beaucoup. Où il est le génie aujourd'hui? Il est où le vrai génie? Ce génie des Gainsbourg et des. Ouais. Il est où? Non, il y en a des pas. Brassins, c'est pas vrai. Alors que les gens qu'on voit de la télé-réalité, tous ces gens-là sont d'une véritable prétention. Ils se prennent pour des. Ça dépend lesquels. Tu parlais de Nabila qui est très charmante physiquement, il n'y a rien à dire physiquement. Mais c'est des gens qui se prennent pour des dieux et des déesses. Puis ils sont pas. C'est quoi le talent là-dedans? Ils ont quoi comme talent? Rien. Alors nous, on est d'une génération où ces gens avaient vraiment du talent. Nous, notre spectacle fait revenir. Peut-être que parce qu'on confond la célébrité et la notoriété. C'est-à-dire la notoriété pour ce qu'on sait faire et la célébrité juste pour être dans les paillettes. Et puis qu'aujourd'hui, qu'on fait des stars de beaucoup trop jeunes. Peut-être qu'on veut d'abord être une star avant de savoir ce qu'on a à proposer, quoi. Je pense que. J'ai dîné il y a pas longtemps avec Robert Castel et qui disait les stars, il n'y a plus de stars, c'est fini. Les stars, c'était Belmondo, Delon, tout Romy, ça. Romy. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Oui, Romy, vous l'avez croisé, Romy? Voilà, non, Romy, je ne l'ai pas croisé. Je ne l'ai pas croisé. Moi aussi, devant ma télé, en regardant Sissi, si tu veux. Non, non, je ne l'ai pas croisé, Romy Schneider. J'ai croisé Alain Delon, forcément, puisque mon père avait fait la musique du film de Borsalino. Oui. Donc, j'ai croisé Belmondo, j'ai croisé plein de gens comme ça, mais qui sont des gens qu'on peut aller voir quand on les voit dans la rue, qui sont abordables, qui sont des gens charmants. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, les stars d'aujourd'hui, sont plus abordables du tout. Oui. C'est la différence qu'on fait. Les aborder. Moi, j'aime bien parler d'un artiste aussi qui est majuscule dans ma vie, c'est Michel Jonas, qui lui, bon, c'est au-delà de l'artiste, parce que c'est un gars qui est tout le temps sur scène, qui ne vit que pour sa passion et son public. C'est un homme que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui a toujours été d'une gentillesse. Il ne m'a parlé que de moi, alors que moi, je voulais lui parler de lui et de ce qu'il m'apportait artistiquement. Et il m'a dit, ouais, mais on va parler de toi. Alors, c'est bien ce que tu fais et tout. Et en fait, j'ai pas été, parce que bon, j'ose pas aller au-devant. J'aurais pas osé lui dire, mais non, Michel, tu pourrais pas me filer un coup de main. Mais non, en fait, je suis trop admiratif de son travail. Et donc, j'ai laissé filer. Peut-être qu'il m'aurait aidé avec les années, mais non. Mais c'est pour dire que cet homme est d'une simplicité déconcertante. Alors que s'il y a un génie musical, qu'on l'aime ou pas, hein, faut reconnaître le génie musical et l'auteur que ce mec est, Michel Jonas. Eh ben, c'est un gars super simple. Il va rentrer ici, il va faire. Voilà, il est aussi simple que tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Voilà. Et là, il y en a beaucoup qui devraient prendre la graine. Et notre spectacle, en fait, c'est, voilà. C'est pour présenter des gens comme ça. C'est pour, ça. Pour rendre hommage et remercier ces gens qui nous ont fait rêver, qui nous ont donné envie de faire ce métier. Et puis, on aime les incarner. Et moi, je sais pas qu'on est d'accord ou pas avec ça, mais je pense que les jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, 25 ans, ça, il faut qu'ils viennent nous voir. Parce qu'ils vont découvrir. Voilà, mais je préfère prévenir. Attends, oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Je préfère prévenir. Oui, mais ça va leur ouvrir l'esprit sur Audiard, sur tout ça. Ils vont se dire, ah tiens, ça c'est intéressant, ça c'est truc. Moi, quand je fais Jouvet dans mon spectacle, c'est vrai que Louis Jouvet, puis personne ne sait qui c'est. Mais quand les gens me disent, ah mais vous faites un peu comme un monsieur là qui bégayait. Je dis, oui, c'est Louis Jouvet qui bégayait. Parce que comme il bégayait, il fallait qu'il aille très vite, il avait de l'aise, mais tout. Bon, alors j'explique après un peu le personnage, et puis je leur dis, il faut voir tel film, tel film, tel film. Et puis je me dis, bah, peut-être que ces jeunes vont découvrir quelque chose de fort. Formidable, parce qu'aujourd'hui, Knock, ça va être Omar Sy. J'aime beaucoup Omar Sy, oui, mais ça, mais ça va être Omar Sy. Et voilà. En plus, ils vont dénaturer l'histoire, parce qu'il y a une histoire d'amour dedans, il y a toute une connerie. Truc. Or que c'est Jouvet, enfin, ça a été écrit pour Louis Jouvet. C'est Jouvet. Voilà, Jouvet, on peut pas remplacer. Donc, notre spectacle, c'est ça, en fait. En attendant, je veux dire que dans une heure ou demain, on sait que vous serez toujours avec nous. Ah bah, oui. Demain pas comme les autres, parce que les autres on sait pas, mais vous dans une heure ou demain vous serez toujours avec nous, c'est sûr. En tout cas alors on fait le spectacle le 15, c'est ça le... Ah oui, on va en parler juste après. Oui, on va parler du spectacle, on va redévelopper un petit peu notre spectacle, on va parler du spectacle et on va parler aussi des animaux, parce que ça c'est voilà, important, parce qu'on le fait pour les animaux, voilà. Aussi ce voilà. Spectacle c'est et pour deux, enfin en tout cas deux associations, celle de Christophe, voilà. Et celle d'une de mes amies qui s'occupe des chats, mais lui il s'occupe de ses chiens, la famille. Il y a peut-être deux associations, voilà, qui vont se greffer, puisqu'avec Sébastien on est en train de faire des recherches. Donc dans une heure ou demain, ça tombe bien, c'est ça Christophe? Eh oui. Allez, dans une heure ou demain, et on en reparle juste après avec nos invités ici sur Arc-en-Ciel. Merci. Ta lumière passe les amants quand l'amour est dépassé. Alors de nous deux, que faut-il faire? Aujourd'hui, notre amour est mort. On ne s'aime plus, mais on s'adore. Pourquoi devrais-je te le cacher? Tout ça était si fort que moi je t'aime encore. Dans une I'm 96.2. La FM en couleur. Eh bien oui, de retour sur Arc-en-Ciel, Sébastien avec vous, toujours pour la...